إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، longe à Allah سبحانه وتعالى d'avoir allongé nos vies pour vivre cette première journée de ce noble mois de Ramadan. Et je demande au souverain du monde سبحانه وتعالى, de par ses sublimes noms et ses nobles attributs, de nous augmenter de ses bienfaits et de nous utiliser dans toutes les voies du bien qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, et qu'il agrée. Ceci dit, قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran est descendu comme guide pour les gens et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. L'imam Sa'di rahimahullah a dit concernant ce verset, le jeûne qui vous a été prescrit, c'est le mois de Ramadan, ce mois grandiose au cœur duquel vous avez obtenu de la part d'Allah un grand bienfait, à savoir la descente du Saint-Coran, qui contient la guidance de vos intérêts religieux et terrestres, et qui distingue entre le vrai et le faux, la vérité et le mensonge, la guidance et l'égarement, les gens de la félicité et les damnés. Un tel mois possédant de tels mérites, de tels bienfaits, est digne d'être consacré à l'adoration et au jeûne. Fin de citation des paroles de Sa'di rahimahullah ta'ala. Partant de là, nos assises seront consacrées au Coran durant ce noble mois de Ramadan. Et comme je l'ai dit auparavant, dans ce travail, je n'ai que l'effort de la compilation et la coordination des textes qu'Allah récompense nos savants, les anciens ainsi que les contemporains, pour le travail qu'ils ont fait et qu'ils ont et qu'ils font encore pour enseigner à la communauté, pour l'orienter vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Le sujet de nos assises aujourd'hui concernera nos obligations vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant d'entamer le sujet, je transmets à mes frères et à mes sœurs cette bonne nouvelle de notre messager alayhi salatu wassalam, qui est dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu arda, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, où le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, salli rakatain, pris deux unités avant. Oui, mais pris deux unités, c'est obligatoire. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois que des gens se rassemblent dans l'une des maisons d'Allah pour y réciter le Coran et l'étudier, la sérénité descend sur eux, la miséricorde d'Allah les enveloppe, les anges les entourent et Allah les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Ça, ce sont les nobles mérites que nous avons quand on se réunit pour étudier la religion d'Allah, pour étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam. Ibn Uthaymin rahimahullah a dit concernant l'interprétation de ce hadith, il a dit, cette interprétation qu'il a faite au livre d'Uriyad Salihin. Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Il a dit, la récitation du livre se fait de trois sortes. Il y a trois formes de récitation. Premièrement, lire le texte. Deuxièmement, lire le sens du texte. Troisièmement, le mettre en application. Il faut savoir que tilawa en langue arabe, tala, qui veut dire réciter, veut dire aussi suivre. Comme il est dit dans le verset wal qamari idha talaha, et le soleil, comme dans le verset, et le soleil quand il suit la lune. Idha talaha. Donc le terme tala veut dire suivre aussi. Donc, souvent les hommes de science disent que ce Coran, au niveau de la tilawa, qu'on doit le lire comme il se doit, et aussi on doit le suivre. Que le terme comporte les deux sens. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi dit la lecture du Coran est de trois sortes de lecture. Lire le texte, lire le sens du texte, le mettre en application. Et c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Concernant la lecture du texte, il a dit, un parmi l'assemblée présente lit, et l'autre, et ainsi de suite. C'est-à-dire, dans l'assemblée, il y a un qui va lire quelques versets. L'autre, il va lire la suite. Et ainsi de suite. Mais jamais en groupe. Jamais en synchronisé. Chacun lira tout seul. La deuxième forme, c'est que le lecteur lit une page ou deux. Le deuxième lit la même page. Et toutes les personnes qui sont dans le cercle font de même. C'est-à-dire chacun va lire les mêmes versets, la même page ou les deux pages. Et ceci souvent se passe dans les cercles de mémorisation du Coran. Ceci se pratique dans les assises de mémorisation du Coran. La deuxième forme de lecture du Coran, c'est lire une page ou deux, et celui qui suit, qui est à côté de moi, va lire la suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le cercle se termine. Il a dit, quant à la lecture du sens, c'est que l'assemblée étudie la parole d'Allah, Azza wa Jal, la comprenne, car les pieux prédécesseurs, Ridwanullah alayhim, et alors peut-être les nobles compagnons, Ridwanullah alayhim, ne dépassaient pas 10 versets avant de les avoir compris. Ils les mémorisent, ils les comprennent, et apprennent la science qui y a dedans, et mettent en application ce qu'il y a à mettre en application dans le verset. Ils ne dépassent pas les 10 versets avant d'avoir fait cela. Ainsi, ils ont la science, la foi, les œuvres et les actes, oui. Quant à la troisième partie de la lecture, c'est la mise en pratique du Coran. Et c'est le but principal pour lequel ce Coran a été descendu. Qu'on mette en application ses ordres et qu'on s'abstienne de ce qu'il a interdit. Ceci est un bref résumé des paroles du noble Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, pour bien assimiler ce qui a été dit au début du hadith. Quand des gens se réunissent pour l'étude du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour bien assimiler cela, pour ne pas avoir de confusion avec les réunions que font certains en se réunissant pour lire le Coran en synchro. Que ce soit après Salat al-Asr ou là, pendant Ramadan et après Salat al-Fajr, ou que ce soit après Salat al-Maghrib ou Salat al-Fajr en temps normal. Et concernant, il dit, rahmatullah alayhi, concernant la descente de la sérénité, il a dit, rahimahullah, c'est quelque chose avec laquelle Allah apaise le cœur. Il lui donne sa quiétude. Il lui dissipe sa tristesse. Il lui dissipe le doute. Et ça, c'est un grand fait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il comble avec qui il veut parmi ses croyants subhanahu wa ta'ala. Donc cette sérénité va dissiper le trouble d'esprit de la personne. Ah, sa tristesse, il va lui donner un apaisement intérieur. Et concernant la miséricorde, les enveloppes, il a dit, rahimahullah, en citant le verset « Wallayli ida yarja » par la nuit, quand il couvre le monde, c'est-à-dire la nuit recouvre la terre par son noir. Il dit, rahimahullah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les enveloppe et les entoure et il est pour eux comme la couverture complète. Les anges les entourent, les cernent et écoutent avec eux l'évocation, le rappel et ils seront des témoins pour eux. Et ceci, nous devons y croire d'une façon irréfutable. Hein? Que nos esprits captent cela ou là, qu'ils ne le captent pas, ceci est annoncé par le véridique qui n'a dit que la vérité. Hein? Et il a dit, rahimahullah, Allah les mentionne à ceux qui sont auprès de lui et ceci y conforme au hadith Qudsi, où la signification de la parole d'Allah nous dit cela. Celui qui m'évoque dans une assemblée, je le citerai dans une assemblée mieux que la sienne. Donc le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu arda prouve les mérites de se réunir pour l'étude du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui donne la réussite. Et ce que nous obtenons dans les assises où on entend Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les nobles compagnons ont dit, on ne peut pas l'avoir dans les salles du centre social, ni sur les terrains de foot, ni dans n'importe où on va. Ceci n'est dû qu'à ces assemblées dans lesquelles on se retrouve pour l'étude de la parole d'Allah et pour l'étude de la parole du messager alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension de nos pupilles et les sœurs d'Allah alayhi. Comme il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège ces quatre choses qu'il y a dans le hadith. Avoir la sérénité. Être épargné du trouble de l'esprit. Être enveloppé par la miséricorde d'Allah. Être entouré par les anges. Être cité par Allah dans une assemblée qui est meilleure. Et aussi, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, durant ses assises, le soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, protège sa vue pour ne pas yuter le haram. Protège sa langue pour ne pas médire, pour ne pas colporter, pour ne pas dire n'importe quoi. Protège son oui pour ne pas écouter le blâmable. Et par Allah, tout ceci, on ne peut le trouver que dans ses assises. Où on entend Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les nobles compagnons ont dit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, c'est pour ça qu'il faut donner une grande importance à ces assises. Là où il y a des assises, hein, dans notre entourage, il faut leur donner de l'importance, surtout en ce noble mois de Ramadan. Pour ne pas se priver de ce grand bienfait, pour se protéger aussi. L'imam Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, dans l'une de ses khutbas qui concerne les mérites du Coran, a dit « Ô musulmans, faites des efforts pour la lecture du Coran et ayez à l'esprit que vous êtes en train de lire la parole du miséricordieux. Soyez attentifs et que vos cœurs soient présents lors de sa lecture. Méditez le Coran pour que vous profitiez de deux choses lors de votre lecture. La première, que vous aurez la récompense de la lecture. La deuxième, c'est que vous avoir le savoir que contient ce Coran quand on le médite. Fin des citations des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Et pour bien méditer le Coran, il faut se pencher sur les explications du Coran que nous ont léguées nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et pour cela, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, il est de votre devoir et de notre devoir à tous de maîtriser la langue de ce Coran qui est la langue arabe et de ne pas se suffire de la traduction pour pouvoir être à l'aise dans la lecture, par exemple, de l'exigète de l'interprétation du Coran de Sa'di rahimahullah, ou de celle de Ibn Kathir, ou celle de Tabari ou autre parmi les explications du Coran. Et ceci est très important. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Faites d'orkat avant de vous asseoir. Barakallahu fikoum. Et ceci est très important. De l'autre côté, derrière vous, la Qibla. Voilà. Et ceci est très important. La parole d'Allah est descendue pour qu'on la comprenne. Et qu'on la mette en application. Et il est descendu en langue arabe. Et comme il a dit Ibn Taymiyyah et d'autres hommes de science, le moyen avec lequel on arrive à l'obligation devient lui-même une obligation. Et partant de là, comme il est obligatoire de comprendre la parole d'Allah et la sunna du prophète alayhi wa sallam, et ceci on saurait le faire qu'avec la langue arabe, dans ces cas-là, la langue arabe devient obligatoire pour nous. Il faut savoir, comme il a dit Sa'di rahimahullah, quand on s'assoit et qu'on se donne le temps et on prend le temps pour apprendre l'arabe, pour être à l'aise dans la religion d'Allah et donc pour lire le livre d'Allah et comprendre la religion d'Allah, Sa'di il dit, dans ces cas-là, la personne qui agit ainsi a pris un chemin qui le guide vers le paradis. A pris un chemin qui le guide vers le paradis, comme il est dit dans le hadith. Hein? Rahmatullahi ala aïmmatil muslimin. Il est obligatoire pour nos frères en Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'avoir présent à notre esprit, l'immensité de la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous concernant. Et l'immensité de la miséricorde d'Allah et de sa grâce avec laquelle il a comblé l'humanité en descendant ce Coran. En descendant ce Coran comme lumière pour celui qui s'éclaire avec et comme science qui guide vers tous les biens et comme preuve qui anéantit toute ambiguïté et tout faux. Et ceci, il est clair dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu, qad ja'akum burhanun min rabbikum, wa anzalna ilaykum nuran mubina. La traduction approximative du sens du verset, il est dit, ô gens, une preuve manifeste vous est parvenue de votre Seigneur, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. C'est quoi cette lumière éclatante? Ce noble Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme guidé, comme lumière, comme guérison. Ce Coran qui faisait la joie des nobles compagnons d'Allah alayhim, plus qu'autre chose. Et il était la source du bonheur de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans le mérite de Ayman qui était la nourrice du prophète alayhi salatu wassalam et la femme de Zayd ibn Haritha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est mort, Abu Bakr et Omar sont allés visiter Ayman. Car le messager d'Allah l'a visité, avait comme habitude de visiter Ayman, radiyallahu anha wa ardaha. Quand il les a vus, Ayman a pleuré. Quand il a vu Abu Bakr et Omar, Ayman a pleuré. Abu Bakr et Omar lui ont dit, tu sais que ce qu'Allah, que ce qu'a le messager sallallahu alayhi wa sallam chez Allah est mieux pour lui. Ayman a répondu, certes, je le sais, mais je pleure car il n'y a plus de descente de la révélation du ciel. Voici ce qu'il a fait pleurer Ayman. Je pleure parce qu'il n'y a plus la révélation qui descend du ciel. Ils ont pleuré aussi avec elle. Abu Bakr et Omar ont pleuré avec elle. Mais dites, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, comment cette noble compagnon t'a été attristée par le fait que la révélation ne descend plus après la mort du prophète, alayhi salam. Dans l'interprétation du Coran d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, concernant le verset qui dit « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوا هُوَ خَيْلٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » La traduction approximative du sens du verset nous dit cela, « C'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est bien meilleur que toutes les vanités qu'ils amassent. » Ibn Kathir dit, « Il a été rapporté de Baqi ibn al-Walid, qui dit, « J'ai entendu Aïfa ibn Abd al-Kulla'i, rahimahumullah, dire, quand la zakat de l'Irak est arrivée à Médine, Omar est sorti avec son serviteur pour voir la zakat qui est arrivée. Omar comptait les dromadaires qui étaient très nombreux, plus que ce qu'ils attendaient, plus que ce que Omar attendait de cette zakat qui venait de l'Irak. Et Omar, radiyallahu anhu arda, ne cessait de dire, Alhamdulillah, louange à Allah. Son serviteur de dire, ceci par Allah fait partie de la grâce et de la miséricorde d'Allah. Omar lui a dit, tu te trompes. Omar lui a dit, tu te trompes. Mais la grâce d'Allah, c'est ce qui est dit par Allah dans le verset قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Il lui rappelle le verset et lui dit, la miséricorde d'Allah, il est dans le verset. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est mieux que ce qu'ils amassent. Et il a dit à son serviteur, ce que tu vois fait partie de ce qu'ils amassent. Fin des paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu arda, faisait allusion au verset avant, qui précédait celui-ci, où il dit, « Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi s-sudur, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » Omar ibn Khattab faisait allusion au verset avant, où il est dit, dans la traduction approximative du sens, « Ô gens, vous est parvenu de votre Seigneur une exhortation et une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Ce sont là les descriptions du Coran. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est mieux que ce qu'ils amassent. Donc, rien d'étonnant que la joie d'Abu Bakr, de Omar, de Ayman soit le Coran. Ils ont appris ça de leur messager, alayhi salam. Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, dans le recueil des Fatawa, nous dit, le plus haut degré des cœurs, c'est sa joie, complète avec ce qu'a ramené le messager. Le plus haut degré des cœurs, c'est sa joie complète avec ce qu'a ramené le messager. Qu'est-ce qu'il a ramené le messager? si ce n'est cette révélation, le Coran et la Sunna. Il dit, Rahimahullah, le plus haut degré des cœurs, c'est sa joie avec ce qu'a ramené le messager en ayant la joie et l'apaisement avec. Comme Allah le dit dans le verset, وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Comme ceci est dans la traduction approximative du sens du verset, ceux auxquels nous avons confié le livre se réjouissent de ce qui t'a été révélé. وقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Il a cité aussi le verset, dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Il dit rahmatullah alayh, la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est le Coran et la foi. Al Coran ou l'Iman. Celui qui se réjouit avec, il s'est réjoui avec la chose la plus importante de laquelle on doit se réjouir. Et celui qui se réjouit avec autre chose que le Coran, il est injuste avec lui-même. Et il a mis sa réjouissance là où il ne faut pas. Fin de citation des paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam se réjouissait d'une grande joie et le bonheur l'habitait avec le Coran. L'imam muslim nous cite le hadith d'Anas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, qui a dit alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était au milieu de nous, il s'est assoupi en baissant la tête et en fermant les yeux. Puis il a relevé la tête sallallahu alayhi wa sallam en ayant un large sourire. Nous lui avons dit, qu'est-ce qui t'a fait sourire, ô messager d'Allah? Il a dit, à l'instant, il m'a été révélé une sourate. Et il a récité la sourate de l'abondance. Inna a'tainaka al-kawthar, fa salli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abthar. La traduction approximative de la sourate qui a fait le bonheur et la joie du messager alayhi salam quand il lui a été révélé, nous t'avons accordé l'abondance. Accomplis donc la prière et le sacrifice pour ton Seigneur uniquement. Celui qui te déteste est privé de tout bien et de toute postérité. Quand cette sourate est descendue sur notre messager, il a relevé, alayhi salatu salam, la tête en ayant un large sourire. Cette joie a été remarquée par les nobles compagnons. Il n'a pas échappé aux nobles compagnons. Il voulait savoir la cause de cette joie. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ce qui lui a prévalu cette joie et ce sourire, qui est cette sourate qui est descendue, qui lui a été révélée à ce moment-là. Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, dans sa khutba sur les mérites du Coran, cite un athar, une parole d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, qui a dit ce Coran est un buffet. Certes, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette parole venant d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est pour nous faire comprendre quelque chose de très important. Mais sans ça, Abdullah ibn Mas'ud et tous les compagnons et l'unanimité de la communauté croient que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, radiyallahu anhu wa arda, ce Coran est un buffet, prenez ce que vous pouvez de ce buffet. Et il a dit, radiyallahu anhu wa arda, le Coran, c'est l'once solide d'Allah, c'est la lumière claire, c'est la guérison bénéfique, c'est une protection pour celui qui s'y cramponne, et le salut pour celui qui le suit. Il ne déviera pas, donc, et il ne sera pas réprimandé, et il ne sera pas tordu, donc. Il ne sera pas tordu, donc, il n'aura pas besoin d'être redressé. Il a dit, radiyallahu anhu wa arda, les merveilles du Coran n'ont pas de fin, il ne vieillit pas par la répétition. C'est-à-dire, on ne se lasse pas quand on lit le Coran, on le répète. Il a dit, radiyallahu anhu wa arda, récitez-le. Allah vous récompense pour sa récitation. Chaque lettre dit hasanat. Je ne dis pas alif, lam, mim, c'est une lettre, mais alif, est une lettre. Lam est une lettre. Mim, c'est une lettre. Ainsi a dit Abdullah ibn Abbas. Cheikh Al-Uthaymeen de dire, et il a dit vrai, qu'Allah l'a gré, il a été véridique. Le Coran, c'est un buffet d'Allah. Il contient les ordres et les interdictions. Et s'il trouve aussi les nouvelles véridiques, des histoires et des histoires bénéfiques. Fin de citation des paroles de Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh. Et nous devons méditer, frères en Allah, subhanahu wa ta'ala, comment les compagnons se comportaient avec ce Coran. Anas nous dit, quand ce verset est descendu, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Vous ne parviendrez au bien que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Abu Talha, quand il a entendu le verset, s'est levé et il a dit, ô messager d'Allah, Allah Azza wa Jal dit, et il a cité le verset. Et il a dit, radiyallahu anhu arda, ma fortune que j'aime le plus, c'est la ferme de Bayruha, une palmeraie qui se trouvait en face de la Qibla, de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et dans lequel se trouvait le puits Bayruha, hein, ce puits-là, dont l'eau était délicieuse, et souvent le prophète, alayhi salatu wassalam, rentrait boire de cette eau. Il a dit, radiyallahu anhu arda, ma fortune que j'aime le plus, c'est la palmeraie de Bayruha. Si tu nous montes pour Allah, j'espère sa récompense et qu'il me soit réservé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Utilise-la, ô messager d'Allah, comme Allah t'aura orienté de l'utiliser. Le messager d'Allah a dit, Bakhin, Bakhin, c'est une fortune qui a dû un grand bénéfice. J'ai entendu ce que tu as dit, ô Abu Talha. Et je vois qu'il faut que tu la donnes à tes proches. Et je vois que tu la donnes à tes proches. Abu Talha lui a dit, je le ferai, ô messager d'Allah. Abu Talha a partagé cette palmeraie à ses proches et ses cousins. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, et par l'imam Bukhari, rahimahullah, pardon. Ainsi étaient ceux qu'Allah nous a ordonné de suivre avec le Coran. Ils étaient ainsi. C'est pour ça aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Parce qu'ils avaient les cœurs les plus dévoués pour Allah. Et ils étaient dignes d'être les compagnons de notre messager alayhi salatu wassalam et de porter après lui ce message à l'humanité entière. Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit dans sa khutba sur les mérites du Coran, il a été cité qu'un chrétien a dit à un certain nombre de sciences en ayant entre les mains un repas, une nourriture. Ce chrétien a dit à cet homme de science, vous dites que le Coran est un éclaircissement sur toute chose. Montre-moi comment se prépare cette nourriture. L'homme de science a appelé le cuisinier. Il lui a dit, comment tu as préparé ce repas? Le cuisinier lui a expliqué. Et l'homme de science a dit à ce chrétien, c'est ce que nous a appris le Coran. Car il est dit dans le verset, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Car il est dit dans le verset, interrogez ceux qui ont détient la connaissance si vous ne savez pas. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, dans ce verset, il y a l'orientation vers la voie de la connaissance de quelque chose qu'on ignore et qu'on n'arrive pas à connaître que par le biais de ceux qui ont détient la connaissance. Et ceci, c'est l'orientation du Coran. Fin de citation des paroles d'Ibn Uthaymeen. Donc quand on ne sait pas quelque chose, on s'oriente vers son spécialiste. Et ça, le Coran nous l'a détaillé. Il nous a orienté vers ça. Je cherche. Hein? À connaître les symptômes de la maladie du cœur, je ne vais pas voir un plombier, je vais voir un cardiologue. Et ainsi de suite, dans tous les domaines. Hein? Et dans la religion d'Allah, la même chose. encore plus dans la religion d'Allah, parce qu'il en va du bien de ce bas monde et de l'au-delà, que nous devons pour cela s'orienter vers ceux qui en sont dignes, ceux qui sont dignes de la voix de leur pieux prédisseur, d'Allah alayhim, la voix du messager alayhi salam, de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection, et non pas la voix des éclatés qu'il y a dans cette communauté, différentes tendances, qui appellent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur raison, ou par la politique ou le social, et j'en passe. Cette religion, il a ses hommes. Et quand on veut l'acquérir, et quand on veut dissiper les ambiguïtés, et connaître quelque chose qu'on ne connaît pas, on doit s'adresser à ceux qui en sont dignes, et non pas à n'importe qui. On ne peut pas s'adresser à un médecin. Oui, un médecin, s'il a la connaissance de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand bienfait. Il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas s'adresser à un médecin. Et regardez ce que font ces docteurs. Il y en a un docteur au Maroc qui s'appelle Faïd, spécialiste du persil et de la nourriture. Et après, il dit, il rejette les soirs de l'ascension, il calomnie l'imam al-Albani, rahmatullah alayh. Il dit que les quatre grands imams de cette communauté ont induit la communauté dans les ténèbres. L'iyadan billah. Et il dit, tu ne peux pas être savant que si tu sors d'un laboratoire en ayant fait des études avec le microscope. A'oudhu billah. Et ça, c'est un spécialiste au niveau de la nourriture, certes. Mais il s'y immisce là où il ne faut pas qu'il s'immisce. Et on a beaucoup comme cela. L'aidan billah. Et qui font des analyses du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de façon à plaire à l'Occident. Il ne nous a pas été demandé de plaire à l'Occident, à l'Islam. Il nous a été demandé de chercher la satisfaction d'Allah et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le veut Allah, et non pas comme le temps le n'impose. Abadan. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, c'est la parole d'Allah, comme vous le savez tous. Allah a parlé avec, il a confié à Jibril alayhi salatu wa salam. Jibril l'a descendu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que Muhammad soit parmi les annonciateurs et les avertisseurs, avec une langue arabe claire. Le Coran, c'est la parole d'Allah, la plus véridique des paroles. Qala subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu min Allahi qila. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, qui est plus véridique qu'Allah en ses paroles. Dans l'autre verset, il est dit, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Qui pourrait tenir des propos plus véridiques qu'Allah? Et notre première obligation vis-à-vis de ce Coran, c'est d'y croire, et de croire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, c'est un polythéiste. Demande ta protection. Accorde-la lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Cette parole d'Allah, le plus noble des messagers parmi les anges, est descendu avec vers le plus noble des messagers humains. قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. La traduction approximative du sens du verset, ce Coran est une révélation émanant du Seigneur de l'univers, descendu du ciel par l'esprit fidèle, qui est Jibril alayhi salatu wassalam, qui te l'a récité et que tu as retenu en ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs aux langues arabes claires. Cela doit attirer notre attention que le Coran, la science, ne s'apprennent pas individuellement. Le Coran et la science ne s'apprennent pas, et la science de la religion ne s'apprennent pas individuellement. Mais l'étudiant doit les apprendre de ceux qui sont dignes. Méditez, Jibril est venu vers le messager, alayhi salatu wassalam. Il a reçu la révélation d'Allah et il est descendu avec. Il est descendu avec sur le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala comme lui a ordonné Allah. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses nobles compagnons, radhiallahu anhum, qui l'ont enseigné à ceux qui les ont suivis, les générations qui les ont suivis. Et c'est comme ça que ça doit être. Nous sommes des maillons de la chaîne attachés les uns aux autres. Hein? Et tous ceux qui se marginalisent, ben ils tombent dans la déviance. Tous ceux qui se marginalisent par rapport au suivi sur lequel étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim, et comment ils ont appris, comment ils ont enseigné, et comment leurs successeurs ont fait, tous ceux qui se marginalisent par rapport à cela, ben c'est vers la déviance qu'ils vont. Le noble Coran, c'est la corde solide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la lumière claire. C'est la voie droite. C'est une citadelle de protection pour celui qui se protège avec. C'est une issue pour être sauvé pour celui qui le met en application. Et la lecture simple ne suffit pas. La mise en application pour que le Coran soit une preuve pour nous et non pas contre nous. قال عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. La traduction approximative du sens du verset ألف لام را. Ceci est un livre au verset parfait et détaillé, émanant d'un sage connaissant parfaitement toutes choses. وقال سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Dans l'autre verset il est dit, car c'est un livre inattaquable, le faux ne l'atteint d'aucune part, il est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Ibn Atiyah الأندلسي رحمه الله دون المحرر الوجيز دي لدي الله هدي كخير القرآن par la puissance et que le Coran est inattaquable, impossible de le critiquer, impossible qu'il tombe sous la critique de qui que ce soit, et il est préservé par Allah. Ibn Abbas a dit que le Coran est élevé auprès d'Allah. Muqat, il a dit, il est protégé du shaitan. Sudey a dit, ce n'est pas une créature. Et toutes ces paroles se rejoignent. Tout montre la force de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la majesté de cette parole. Certains de nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, ont dit du Coran, il contient les nouvelles de ceux qui vous ont précédés. Et les nouvelles de ceux qui vont venir après vous, c'est un juge entre vous. Donc on est l'histoire de Adam, ou l'histoire de Noé, ou l'histoire de Isa. Donc on est ce qui va se passer dans le delà, et ce qui va arriver le jour de la résurrection, et ce qu'on subira dans les tombes, si ce n'est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole véridique, et non un discours frivole. Le tyran qui délaisse le Coran, Allah le brise. Et celui qui cherche la guider en dehors du Coran, Allah l'égare. Allah a garanti à celui qui le lit, le met en application, qu'il ne s'égarera pas dans ce bas monde. et qu'il ne sera pas malheureux dans le delà. Le noble Coran, c'est la lumière claire. Il faut tout simplement qu'on s'éclaire avec. Et comment on doit s'éclairer avec? Hein? En le comprenant et en le mettant en application. Et en prenant la compréhension de ne plus prédisseur d'Allah alayhim et qu'on le suit sur leurs traces, comment ils étaient avec le Coran. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Le verset nous dit, ô homme, une preuve manifeste vous est parvenue de votre Seigneur et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. La lumière éclatante, c'est ce Coran. Ibn al-Qayyim, dans l'Wabil Sayyib, a dit, Allah a fait que la vie se trouve là où il y a la lumière. Allah a fait que la vie se trouve là où il y a la lumière et la mort là où il y a le noir. Là où il fait noir, où il fait sombre. La vie des deux existences, dans le ce bas monde et dans le delà. L'existence de l'âme et du corps, c'est avec la lumière. Et c'est la matière de la vie et la source de l'éclairage. Il n'y a pas de vie sans la lumière, comme il n'y aura pas d'éclairage sans la lumière. Et il est aussi la vie du cœur, car c'est son apaisement et son épanouissement. Il parle de quoi? Il parle de la parole d'Allah. Il parle du Coran. Et dans la vie où nous vivons, nous avons besoin de lumière. Mais la lumière la plus importante pour la vie de nos cœurs, c'est la parole d'Allah. C'est la foi en Allah. C'est le fait d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en application ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala. Comme cela est stipulé dans le hadith chez Tirmidhi rahimahullah. Le hadith, il est faible, mais le sens du hadith, il est correct chez les gens de science. Mais on ne peut pas attribuer le hadith au messager alayhi salatu wassalam. Où il a été rapporté qu'il aurait dit, quand la lumière rentre dans le cœur, il s'apaise et s'épanouit. Ils ont dit, c'est quoi son signe? Il a dit, l'envie de la vie éternelle et l'éloignement de la maison des futilités et la préparation pour la mort avant qu'il arrive. Et comment tu peux te préparer pour la mort avant qu'il arrive? C'est les moyens de ta préparation ne viennent pas du Coran et de la parole du messager alayhi salatu wassalam. Hein? La réelle préparation vient de là. Sa source doit être la parole d'Allah, l'authentique de la sunna, selon la voie et la compréhension des pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Qala subhanahu wa ta'ala, fa'aminu billahi wa rasulihi wa an-nur alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, croyez donc en Allah et en son messager, et en la lumière, c'est-à-dire le Coran, que nous avons fait descendre. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Le Coran, c'est une guérison et un remède de ce que contient les poitrines. C'est une guidée et une miséricorde et une bonne annonce pour les croyants et pour les bienfaisants. قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ô gens, vous est parvenu de votre Seigneur une exhortation, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. وقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ألف لام ميم. Voici les versets du livre clair. Il est un guide et une miséricorde pour les bienfaits. Le noble cheikh, l'érudit cheikh Taqi al-Din al-Hilali rahimahullah, concernant le verset qui dit فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Le verset nous dit, adresse à travers le Coran un rappel à celui qui redoute la menace de mon châtiment. Il dit, rahimahullah, Allah clarifie l'importance du Coran et montre la valeur de celui-ci. Il dit en réalité les cœurs doivent être brisés, humbles et concentrés à la lecture du Coran de par les avertissements qu'ils annoncent. Et il a cité le verset « وَلَوَ نَزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ » Le verset nous dit qu'il a cité, rahimahullah, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser et se fondre par crainte d'Allah. Il dit, rahmatullah alayh, la montagne s'affaissera de par sa soumission et de par sa crainte d'Allah. Et il a dit, on retient de cela la haute place du Coran et sa suprématie et la puissance de son impact de par les exhortations et les avertissements et les blâmes qu'il contient. Il dit, rahmatullah alayh, mais la dureté des cœurs des humains, le manque de crainte d'Allah chez eux, et le fait de ne pas méditer le Coran durant sa lecture, ne lui arrive pas à ce qu'il arrive aux montagnes robustes et énormes. Fin de citation de Cheikh Taqi, des paroles de Cheikh Taqi al-Hilali dans Sabir al-Rasal. Regardez combien de fois on entend la description du châtiment, la description de l'enfer, et comment ça passe. Hein? Nos cœurs sont enveloppés, on est imperméable. Hein? Nous devons faire très attention à cette situation, et nous devons remédier à cela. Et aller visiter les tombes, pour radoucir les cœurs, quand un homme s'est plaint, Aïcha radiallahu anha wa arda, de la dureté de son cœur, il l'a orienté vers le fait d'aller prendre la leçon et l'exhortation, hein, dans les cimetières, pour voir où est-ce que nous allons être, dans peu de temps. Et ceci, l'ange de la mort, ne donne pas de rendez-vous. Il n'y a pas d'âge pour la mort. Il vient prendre un fœtus, et fait tomber un fœtus du ventre, comme il fait mourir un nourrisson de 3 mois, comme il vient à la personne âgée, comme il vient au jeune qui est dans la fleur de son âge. Donc il ne faut pas se faire berner par Shaitan. Il faut faire très attention avec quoi on veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et comment on veut le rencontrer. Qala subhanahu wa ta'ala وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Il est dit dans la description du Coran, dans ce verset, le Coran que nous révélons est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, il ne fait qu'accroître la perdition des transgresseurs, des injustes. Sa'di rahimahullah a dit concernant ce verset, le Coran contient la guérison, la miséricorde, mais ceci n'est pas pour tout le monde. Le Coran contient la guérison, la miséricorde, mais ceci n'est pas dû à tout le monde. Il n'est dû qu'à ceux qui croient en ces versets et qui le mettent en application. Contre aux transgresseurs qui ne croient pas en le Coran ou qui ne le mettent pas en application, ces versets ne font qu'augmenter leur perte, car avec le Coran s'accomplit la preuve contre eux. Fin de citation des paroles de Sa'di rahimahullah. La guérison que contient le Coran englobe la guérison des cœurs, la guérison des ambiguïtés, la guérison de l'ignorance, la guérison des fausses opinions, et la guérison de la mauvaise déviance, et la guérison du mauvais but. Et il contient la science sûre par le biais de laquelle s'anéantira toute ambiguïté et toute ignorance. Et il contient l'exhortation qui dissipe toute forme de tentation qui est en divergence avec l'ordre d'Allah. Et il contient les remèdes de toutes sortes de souffrances et de toutes sortes de maladies, qu'ils soient du cœur ou du corps. Et qu'on médite comment nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, se guérissaient avec le Coran. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il a fait son pèlerinage, il était atteint d'une migraine très forte, insupportable. Il n'a pas dépassé le fait de lire le Fatiha et de souffler dans Zamzam et de boire. Et dans le fait de souffler dans l'eau, il y a une grande divergence avec les hommes de science. Certains hommes de science disent non, parce que il n'a pas été fait par le prophète alayhi salam. D'autres hommes de science l'autorisent. Et il a été guéri, rahimahullah ta'ala. Et chaque fois que quelqu'un venait le voir, souffrant, il l'orientait vers la lecture du Fatiha. Et rappelez-vous l'histoire de ce noble de ce village vers lequel sont arrivés un certain nombre de compagnons, une troupe, et ils ont demandé l'hospitalité aux gens du village, ils ne leur ont pas donné. Ils sont restés à l'extérieur du village, et dans la nuit, quelqu'un est venu en courant en disant « Est-ce qu'il y a un raqib parmi vous parce que le maître du village a été piqué par un venin ?» Un reptile ou un scorpion, peu importe. Et il a donné la condition pour y aller, et il est allé. Il n'a pas dépassé le fait de lire le Coran sur l'endroit de la piqûre, de la morsure du reptile, en soufflant dessus. Le Fatiha, tout simplement. Et l'homme s'est levé, comme se lève un chameau qu'on détache, quand on lui détache ses cordes. C'est-à-dire d'une force. Hein? Et ça, le Coran est un remède. Mais il faut avoir la certitude sur cela. Il faut avoir cette croyance qu'avaient les nobles compagnons, Ridwanullah alayhim, concernant la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils se guérissaient avec le Coran. Hein? Et avec aussi les hadiths du prophète, les duas du prophète, alayhi salam. Quant à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le Coran incite aux causes et aux moyens du bien, aux causes et aux moyens du bien, si la personne les accomplit, il gagne la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le bonheur éternel et les récompenses immédiates dans ce bas monde et dans le delà. S'il met en application ce Coran, et ce que lui dicte ce Coran, il s'abstient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans le Coran, bah, ce Coran va le guider vers la voie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers son bonheur et vers son apaisement dans ce bas monde et dans le delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui sont attentifs à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui écoutent la bonne parole et qui la mettent en application. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.